Merci Marie-Hélène. 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. La rumeur dit de lui qu'il aurait exhumé une ville à l'aide de balais, probablement achetés chez quelques quincailliers suisses. Une ville, capitale d'un royaume vieux de plus de 4 millénaires. Une chose est sûre, il a dirigé entre Égypte et Afrique noire des recherches qui nous révèlent aujourd'hui une culture, une civilisation rivale des plus puissants pharaons. Ce que je sais aussi de Charles Bonnet, c'est qu'il enseigna à l'université de Genève, que membre de l'Institut, il siège aujourd'hui à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Habitué du Salon Noir, Dominique Valbel, après l'Institut de papyrologie de l'île 3, est professeur d'égyptologie à la Sorbonne. Elle dirige parallèlement des missions sur quelques grands sites du Sinaï ou de Haute-Égypte, dont Serabit El Gadim ou Deir el-Médineh. Dominique Valbel, Charles Bonnet, bonjour. Bonjour. Bonjour. Deux livres viennent récemment de paraître, l'un par vous deux, la ville de Kerma, une capitale nubienne au sud de l'Égypte. Le second de Dominique Valbel porte sur le parcours de Charles Bonnet, le tout publié aux éditions Fabre. Mais tout de suite, Charles Bonnet, ôtez-moi d'un doute, cette ville plurimillénaire, vous ne l'avez tout de même pas balayée ? Je l'ai balayée presque entièrement. Alors j'étais pas seul. Il y avait d'autres balayeurs, d'autres balais importés d'ailleurs, et nous avons pu découvrir des centaines de murs grâce à cela, grâce à cette méthode, qui s'avère aujourd'hui encore, après 50 ans, tout à fait efficace. Alors pourquoi des balais venus de Suisse ? Tout simplement parce que l'état de la ville était juste à la surface du sol, c'est bien ça ? Il suffisait juste de balayer, voire de donner un petit coup de truelle ? Vous êtes archéologue comme moi, vous savez que les outils de l'archéologue sont fondamentaux, que ce soit la truelle, que ce soit quelquefois le bâton, que ce soit toutes sortes d'outils différents. Et le balai, on doit faire un choix. Et le balai, c'est presque un instrument de musique. On est obligé de le choisir longuement et de le découvrir. Il ne doit pas perdre ses poils, il doit tenir longtemps à l'épreuve des à-coups. Et finalement, chaque balai s'adapte à un site. Donc chaque balai a ses techniques, a ses méthodes d'intervention qui peuvent être bonnes ou mauvaises en fonction de l'outil. En tout cas, moi, je donne mon expérience, chose que je ne fais pas souvent. Je me suis essayé à la brique crue, c'est quelque chose de très particulier, puisque on a le piochon dans une main, on frappe et on ramasse de l'autre. Et je sais que j'y suis quasi jamais arrivé, tellement c'était difficile d'être synchronisé avec ce geste-là. La brique crue est une chose très particulière à fouiller. Vous avez justement de la brique crue. Alors, nous avons essentiellement de la brique crue parce que il y a aussi ce qu'on appelle de la galousse, c'est-à-dire des masses de terre qui sont beaucoup plus difficiles à voir, puisque cette galousse est faite avec de la terre alluvionnaire et qu'elle est dans un terrain alluvionnaire. Donc, c'est très, très difficile de voir les limites. Mais la brique crue, c'est toute une technique. D'ailleurs, il y a des spécialistes, on parle de manière un peu mythique, des spécialistes de Karnak en Égypte qui ont des difficultés énormes à avoir certaines briques. De notre côté, je me suis très vite rendu compte, d'une part, qu'il fallait pas utiliser de piochon, donc autre technique que chez vous, et puis d'autre part, qu'il fallait racler avec beaucoup de précaution en un premier temps, puis ensuite essentiellement balayer pendant des heures et des heures, des semaines, des mois. Et découvrir une ville, ce sont des années de balayage. Elle est épaisse de combien de centimètres, votre ville ? Quelques centimètres, quelquefois ? Alors, il y a relativement peu de stratigraphie, c'est-à-dire qu'on a une stratigraphie qu'on appelle horizontale. En revanche, si on descend en profondeur, on trouve d'autres périodes à quelques centimètres au-dessous de certains vestiges, on a une autre orientation, d'autres murs plus anciens, et on arrive à retrouver des plans de villes successifs. C'est un énorme travail qui demande des années et des années. Dans le cas de Kerma, j'ai choisi une extension, c'est-à-dire de comprendre la ville de la manière la plus large possible et de ne pas trop descendre en profondeur. Ça a le double avantage de ne pas trop détruire verticalement les vestiges et puis d'avoir une idée générale de l'occupation. Mais simplement en travaillant de manière horizontale sans descendre en profondeur, on a retrouvé 3, 4, 5, 10 villes différentes superposées. Charles Bonnet nous dit qu'il a passé 50 ans de fouilles à Kerma. Dominique Valbel, on dit de Charles Bonnet qu'il aurait plusieurs vies, et cela, ce n'est pas non plus une rumeur, archéologue, viticulteur, c'est bien ça ? En fait, quand il était gamin, il avait déjà deux passions. La musique, le jazz, qu'il a commencé très tôt, et un vieux rêve d'archéologie. Et puis, il était dans un milieu un petit peu différent, où la musique avait sa place, mais où l'archéologie était quelque chose de tout à fait surréaliste et où on attendait de lui qu'il prenne la suite de la direction du domaine familial viticole. Il a donc sauté le mur pour aller faire du jazz à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Et puis, quand il avait une vingtaine d'années, il est parti en Amérique latine où il a visité toutes sortes de sites archéologiques et où cette passion pour l'archéologie a commencé à devenir d'autant plus forte qu'elle a peu à peu commencé à remplacer la passion pour la musique. Charles Bonnet, entre Amérique et orientalisme, votre choix s'est porté sur l'Égypte, plutôt, je devrais dire, le Soudan, qui devait être sûrement moins encombré d'égyptologues, papyrologues. Alors, dès le début, nous étions quelques amis, et je n'étais pas seul en cause, et on s'est très vite rendu compte que l'Égypte était déjà fort encombrée, et qu'il y avait des centaines, des milliers d'égyptologues, donc se trouver une place en Égypte, d'autant qu'on avait des idées un peu romantiques à l'origine. Et on s'est dit, pourquoi pas le Soudan ? Au fond, c'est l'Égypte au 19e siècle. Essayons de comprendre l'Égypte grâce au Soudan. Et puis, au Soudan, on n'était pas obligé de savoir déchiffrer les textes hiéroglyphiques. Il n'y en avait pas, normalement. Bon, on avait tous... Vous avez quand même une teinture sérieuse. Oui. Je ne dois pas la ramener là-dessus. Hein. Mais je voulais juste rajouter peut-être une petite chose. Une grande famille soudanaise qui avait des liens forts avec la Suisse a joué un rôle très important pour les pousser plutôt vers le Soudan. Et c'est une histoire d'amitié qui a 50 ans maintenant et c'est très très important aussi dans... Un grand notable soudanais, bien sûr. Cher El Zoubert, les choses se passent souvent comme oui. Ça. On est accueilli sur le terrain et bien accueilli par force. Oui, c'est devenu un ami, c'est quelqu'un qui a transformé ma vie, je dois bien l'avouer, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Quand on voyait sa silhouette arriver, on était tous très impressionnés. D'ailleurs, cette famille, leur nom se termine par les rois. Il y a quelques jours, j'ai fait une conférence à Khartoum, il y avait 1600 personnes, et un des fils du Cheikh El Zoubert, qui est mort maintenant depuis 25 ans, s'est levé et a dit « Le monsieur que vous avez en face de vous, il s'appelle Charles Bonnet El Melik », c'est-à-dire Charles Bonnet le roi. Formidable. La grande ville de Kerma, capitale du pays de Kouch pour les Égyptiens, a été décrite par beaucoup d'explorateurs, dont notamment le français Caillot. L'élément central de la ville serait une sorte d'énorme masse de terre crue, ce que l'on appelle la défoufa, c'est bien ça ? C'est cela. C'est une indication qui signifie une construction faite par l'homme. C'est un vieux terme nubien qu'on utilise aujourd'hui encore, non seulement pour ces bâtiments-là, puisqu'il y a deux des Foufa à Kerma, mais aussi pour des villages de hauteur qu'on voit de loin. En fait, j'avais déjà fouillé en Europe des églises et je m'étais rendu compte que l'archéologie du bâti, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, était un élément fort pour arriver à comprendre un bâtiment de ce genre. Alors que mon prédécesseur, Georges Reisner, qui était un génie et qui a fait un travail considérable dans notre région, il y a une centaine d'années, considérait que cette défoufa était un socle énorme pour un gouverneur égyptien qui dirigeait la région, je me suis très vite rendu compte, grâce à l'archéologie du bâti, que le bâtiment en élévation avait 14 périodes différentes, et puis on a fait des coupes à côté, on est descendu en profondeur jusqu'à 7 mètres, et on s'est aperçu qu'il y avait en fait 40 périodes de reconstruction permanente. Donc je me suis dit que pour le socle d'un palais, c'était vraiment impossible, et qu'on devait avoir affaire à un lieu de culte, une permanence de ce lieu de culte au centre de d'une ville. Alors, ce bâtiment, c'est une sorte aujourd'hui de grosse masse d'argile légèrement, je dirais, solifluée. Comment doit-on cela représenter il y a environ 3500 ans ou 4000 ans? Alors, à l'origine, c'est-à-dire vers 3000, il y a à peu près 3500 ans, il avait une silhouette de temple égyptien. Bizarrement, parce qu'il est plus vieux, et que les premiers temples égyptiens, ayant un pylône et une entrée axiale et un corps de bâtiment avec un fruit. Et on s'est très vite rendu compte que le plan était un peu différent, que les caractéristiques architecturales étaient complètement différentes de celles d'un temple égyptien, mais tout de même, cette silhouette générale rappelle un temple. Alors, elle est aujourd'hui un peu effritée, un peu abîmée, et il faut penser que la défoufa telle qu'on la voit aujourd'hui ne représente qu'un moment très court dans l'histoire du monument, puisqu'il y a eu d'autres monuments qui avaient des formes plus anciennes. On est parti d'une petite chapelle mais en bois. Mais que la défoufa elle-même a eu des formes différentes. Elle a eu des formes différentes. Qui ont été réenglobées progressivement par ce que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire du monument. Vous me le disiez au début, dès votre première fouille, vous attaquez donc au secteur religieux et cette défoufa. Comment se présente ce secteur religieux? Qu'est-ce qu'on y faisait? C'est au cœur de la ville, c'est donc un élément structurant? Oui, c'est un élément structurant qui existe dès l'origine de la ville, dès les origines qu'on a pu étudier. Donc, dès à peu près 2300-2400 avant Jésus-Christ, on a non seulement un bâtiment principal, mais vraiment un quartier religieux avec des ateliers préparant des pains d'offrande, préparant de la viande ou de la bière qu'on présentait aux dieux, mais avec d'autres chapelles aussi, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul dieu. Dès lors, on peut parler d'une véritable institution, si on pense au modèle égyptien, une institution qu'on pourrait appeler le temple. Il y a le temple, mais il y a aussi les prêtres, il y a des maisons, il y a des ateliers et d'autres lieux de culte. Dominique Valbel, on a une idée des dieux? Pour Kerma, c'est très difficile. L'indication la plus fiable, a priori, en fonction d'animaux en une sorte de faïence conservée dans des contextes funéraires, suggère un rapport en tout cas à des animaux considérés comme fantastiques, et en particulier, l'un des animaux qui nous intéresse le plus, parce qu'il a certainement eu un parcours exceptionnel en raison de similitudes avec l'Égypte, c'est le bélier, qui semble avoir été un animal déjà plus ou moins sacré à Kerma et qui s'est associé plus tard à l'amont égyptien. Il y a aussi des girafes ailées qui sont représentées sous la forme de petites plaquettes, oui. Qui étaient d'incrustations sur des lits, sur des vêtements. Des déesses hippopotames, par exemple. Et puis j'ai parmi les tombes de la nécropole de Kerma que vous avez fouillées, j'ai souvenir de ces tombes accompagnées d'agneaux très curieusement parés avec ces éléments ou de ces éléments de ce qu'on appelle le bucrane, des éléments de crâne de bœuf. Alors il s'agit avec de deux choses absolument gigantesques. Oui, Donc, il y avait des repas funéraires autour des tombes, c'est ça dès l'origine. On retrouve des pots retournés sur le sol où visiblement les membres de la famille ou des proches du personnage qui était inhumé partageaient un repas avec le mort. Il y a des repas beaucoup plus importants dans l'évolution au cours de l'histoire du développement de cette nécropole, où par exemple, devant certaines tombes d'un diamètre gigantesque, on a jusqu'à 5000 bucranes qui prouvent qu'on a mangé et abattu 5000 bucranes. On aurait de la peine aujourd'hui à trouver 5000 bœufs dans la zone. Donc ça, c'est un des aspects de votre question. La seconde partie, c'est le problème des agneaux déposés dans les tombes. Et alors, ces agneaux étaient effectivement parés par un disque de plumes d'autruche fixé par des éléments de cuir extrêmement bien faits. Et on a retrouvé très souvent un agneau ou un mouton un peu plus âgé dans certaines tombes. Et alors, on a proposé de voir là une sorte d'image du bélier Amon qu'on va voir très souvent, mais beaucoup plus tard en Égypte. Et certains de nos collègues ont admis l'hypothèse comme tout à fait plausible. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. En tout cas, d'étonnantes pratiques religieuses avaient déjà été mises au jour par Reisner dans les années 1915, des sacrifices humains. Oui, on a beaucoup parlé ces dernières années de sacrifices humains, ou plutôt de morts d'accompagnement. Vous savez que Testard a lancé cette hypothèse en se disant qu'au fond, il y avait très peu de sacrifices justifiés pour un dieu ou pour des raisons de la force, du pouvoir de certains grands dirigeants. Dans notre cas, on a bien étudié ce problème et dans l'évolution de la ville et des coutumes funéraires, on s'est aperçu que si à l'origine on avait un ou deux personnages qui accompagnaient le personnage principal, qu'on reconnaissait parce qu'il était sur un lit et qu'il avait pas mal d'objets autour de lui, quelquefois on a toute une famille avec des enfants de différents âges. Et ce n'est pas toujours un homme, une femme, c'est quelquefois deux femmes, ce sont quelquefois deux hommes. Donc, c'est assez complexe comme problème. Oui, puis dans les dernières périodes, il y a des centaines de personnages qui sont présentés avec leurs armes, avec un certain nombre d'objets personnels aussi, oui, dans les corridors. Oui, Georges Reisner, qui était influencé évidemment par la politique de l'époque, a considéré que c'était les esclaves qui accompagnaient le chef. Mais en étudiant les squelettes de manière approfondie, on s'est rendu compte que ces esclaves étaient de populations différentes, devaient effectivement appartenir aux proches d'un roi ou d'un prince, et qu'ils accompagnaient dans l'au-delà ce personnage important qui voulait suivre au-delà de la mort, puisqu'il y avait une vie après la mort. Pouvait-il y avoir quelques vestiges antérieurs à la ville de Kerma, une sorte de pré-Kerma, pourrait-on dire ? Oui, alors, on a étudié, mon collègue Mathieu Neguer a étudié toute la partie préhistorique, et cette plaine de Kerma, qui existe encore, mais avec la désertification qui a diminué pour la zone de terre cultivée, est tout à fait propice à étudier les Nils fossiles, les bras du Nil, qui se sont développés sur des surfaces considérables, qui sont aujourd'hui en plein désert. Et alors on s'est rendu compte qu'il y avait, proche de ces bras du Nil, des zones cultivées au néolithique, ou même aux périodes beaucoup plus anciennes, puisqu'on a déjà des ateliers de 200 000 avant Jésus-Christ. Donc on est dans des périodes très très anciennes, voire même près du Nil. Alors aujourd'hui, retrouvé sur le Nil, une année où le Nil était presque très sec et que le niveau du Nil était très bas, on a retrouvé par exemple des outils très frustes et des ossements d'animaux qui datent d'un million d'années. Donc vous voyez que la zone est occupée depuis les périodes les plus anciennes et qu'il reste encore mille choses à découvrir. Nous avons travaillé, Dominique et moi, surtout sur les périodes contemporaines de l'Empire égyptien. Peut-on parler d'un urbanisme ? D'ailleurs, le modèle serait-il d'influence d'Afrique noire ou d'Égypte ? Alors, on est dans un territoire intermédiaire entre l'Égypte et l'Afrique noire. C'est peut-être le côté fascinant de notre recherche, et actuellement encore plus qu'il y a plusieurs années, puisque depuis 5 ans, on a retrouvé des vestiges qui nous font penser à une influence tout à fait réelle de l'Afrique centrale. Mais pour les périodes de la capitale de Kerma, c'est-à-dire vers 2500 jusqu'à 1500 avant Jésus-Christ, la capitale d'un royaume complexe qui était indépendant de l'Égypte, les choses sont assez claires, avec une fondation d'une ville qui a des règles et des principes tout à fait intéressants. Puisque vous le savez, en Égypte, on a très peu de villes qui ont été fouillées, on a une connaissance médiocre de l'urbanisation, à part quelques cas extraordinaires comme celui d'Akhenaton avec Tell el-Amarna, mais c'est un cas presque unique. La chance que nous avons eue à Kerma, c'est de pouvoir dégager une immense surface, en la balayant bien sûr, et de découvrir au fond différents aspects de cette ville, c'est-à-dire la zone religieuse, on en a parlé, ou la zone royale avec une résidence, avec un palais cérémoniel, une zone d'une institution qui ressemble au modèle de l'Aoudka en Égypte, à savoir une zone où on devait pratiquer le culte du souvenir pour certains rois défunts, qui est une zone à part avec des chapelles, et bien d'autres éléments qui nous montrent qu'il y avait non seulement une organisation urbaine, au sens où on l'entend pour l'époque romaine ou l'époque grecque, mais qu'on avait aussi des institutions qui avaient leurs caractéristiques et qui nous permettent, grâce à l'archéologie, on arrive à retrouver les caractéristiques de ces différentes institutions. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes Charles Bonnet, professeur émérite à l'Université de Genève et membre de l'Institut, fouilleur de Kerma, capitale d'un vaste royaume au Soudan. Quant à vous, Dominique Valvel, vous êtes égyptologue, épigraphiste, papyrologue peut-être, devrait-on dire, et professeur à la Sorbonne, Paris 4. Dominique Valbel, la population soudanaise de Kerma ne possédait absolument pas l'écriture. Malheureusement, non. On a une toute petite idée de la langue des périodes qui précèdent l'utilisation d'une écriture propre, c'est-à-dire le méroïtique qui intervient au 1er siècle avant Jésus-Christ seulement. À travers des transcriptions de noms propres, de toponymes, d'anthroponymes en égyptien. Pour les périodes récentes, en revanche, au moment où l'Égypte conquiert Kerma et le royaume de Kouch, là vous avez Avant même que les Égyptiens ne conquièrent, parce que c'était un vieux projet des Égyptiens de conquérir le royaume de Kouch, mais ils ont mis vraiment beaucoup de temps à y parvenir, il y avait des rapports diplomatiques souvent assez harmonieux entre les deux pays, et donc il y avait des interprètes, et il y avait presque toujours à Kerma des gens qui pouvaient écrire l'égyptien ou qui pouvaient le lire. Mais il faut attendre effectivement la conquête par Thoutmôsis Ier du royaume de Kouch pour qu'on commence à avoir sur place, alors pas dans la ville de Kerma dont on a parlé, mais à 1 kilomètre au nord de cette ville, dans une deuxième ville toujours liée à la première et autochtone, l'implantation de ce qu'on appelle un Ménénou, c'est-à-dire une forteresse égyptienne qui est implantée dans des territoires nouvellement conquis pour répandre l'idéologie monarchique égyptienne et pour collecter les tribus qui vont repartir vers l'Égypte, et au premier chef, l'or. Et c'est là donc que vous avez retrouvé des cartouches de Thoutmôsis Ier, d'Hatchepsout, et puis peut-être même ces fameuses sculptures, ce que l'on a appelé les pharaons noirs. Alors là, c'est un grand raccourci chronologique. Ah oui. Mais à partir du moment où on s'est déplacé d'un kilomètre, j'avais eu, pendant les années précédentes, en 25 ou 30 ans, 2 textes égyptiens, et maintenant je croule sous les inscriptions dans la nouvelle ville où nous travaillons. Oui. Charles Bonnet, je reviens donc à cette grande ville de Kerma autour du deuxième millénaire. Vous avez une architecture de terre crue. C'est une invention locale ou tout au contraire une sorte d'emprunt? Et d'ailleurs, à cette occasion, quels sont les éléments constitutifs de la ville? Alors, deux questions. Le problème du matériau, c'est un problème assez complexe. Je dirais que ça pourrait être une influence égyptienne, puisque par pas mal d'éléments, par exemple les institutions dont nous avons parlé, il y a influence égyptienne. On ne vit pas à côté d'un royaume, d'un empire comme l'Égypte sans qu'il y ait influence. Mais on est dans un territoire intermédiaire où il y a d'autres influences. On le voit par exemple, on l'a vu avec les coutumes funéraires. On n'est pas avec comme en Égypte avec des tombes royales sous la forme de pyramides, mais bien avec des tumulus qui sont de formes bien différentes. Les coutumes funéraires également sont très différentes. Donc, nous avons essayé d'étudier cette ville sans trop penser aux influences égyptiennes. Et nous sommes aperçus qu'elle avait ses singularités propres, avec un développement urbain absolument extraordinaire, puisque on découvre une rue qui est à l'origine de tout, et le long de cette rue, peu à peu, s'organise la ville. Peu à peu, on installe des murs à l'extérieur, des fortifications extérieures. Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que s'il y a des fortifications extérieures qui protègent la ville, il y a aussi des fortifications à l'intérieur qui protègent cette rue primitive, qui est peut-être une voie royale, qui est peut-être une rue fondamentale si on la compare avec les exemples, peu d'exemples que nous avons en Égypte. Et cette rue allait dans une direction vers le port de la capitale de Kerma, et dans l'autre sens allait vers cette ville secondaire, cette ville peut-être même plus importante, qu'on appelle aujourd'hui ville cérémonielle, qui était à 1 kilomètre environ. Donc, on a vraiment toute une organisation topographique qui est fondamentale pour l'histoire des villes le long de la vallée du Nil. Mais il ne s'agit pas d'une ville égyptienne, il s'agit dans ce cas-là d'une ville nubienne, et probablement avec la ville cérémonielle de Doukighel, qui se trouve à 700 mètres, d'une ville qui est peut-être plus influencée par l'Afrique centrale. Et à cette époque, nous pensons qu'il y avait plusieurs royaumes fondamentaux dans le Soudan central, et on pense tout particulièrement au royaume, au pays de Punt, ce pays mythique. On pense aussi au Darfour, au Kordofan et à Kassala, où il pourrait y avoir d'autres royaumes à peu près à 1000 kilomètres plus au sud. En tout cas, ce royaume sera toujours une gêne pour le pouvoir pharaonique. On connaît d'ailleurs le nom de la cité, du moins pour les périodes tardives de Kerma. Le Jujubié, le Sisyphus Spina Christi, c'est bien ça? Alors, ce sont les inscriptions dont vous parliez tout à l'heure qui apparaissent surtout à partir du règne d'Hatshepsut, qui nous ont révélé le nom de Pnoups, le Jujubié. Peut-on faire de Kouch et de Kerma le premier royaume d'Afrique, Charles Bonnet? Une provocation? Non, pas du tout, parce que c'est vraiment une de mes préoccupations actuelles. En effet, on s'aperçoit que dès 2000, c'est-à-dire dès l'ancien empire égyptien, vers 2300, 2400 ou 2500 avant Jésus-Christ, il y a à Kerma une ville importante. Il y a à Kerma une ville organisée et un royaume complexe, c'est certain. Ce royaume complexe, il ne peut pas vivre sans relation permanente avec le Sud, parce qu'il importe de l'ivoire, de l'or, de l'ébène et de la gomme. Pour arriver à importer tout cela, il doit s'organiser avec d'autres royaumes. Et ces autres royaumes, nous n'en connaissons rien. Donc, vous dire que c'est le royaume le plus ancien d'Afrique, pourquoi pas, mais il y en a d'autres et nous en sommes sûrs. Dominique Valbel, Charles Bonnet, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de vos livres, Dominique Valbel, Charles Bonnet, De la vigne au jujubier. Jujubier, donc bien sûr, du nom de la ville de Kerma. Et puis La ville de Kerma, une capitale nubienne au sud de l'Égypte, publiée donc aux éditions Favre. La semaine prochaine, nous évoquerons les étonnantes pratiques rituelles des Celtes. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Michel Mestre, attaché d'émission Catherine Donnet, mais dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richeux.